ailleurs, je venais te faire un petit concert. C'était tranquille, c'était oh yeah. Je rentre chez moi, la guerre civile ou peut-être un tremblement de terre. Quand j'ouvre la porte, 2h du mat, c'était le dawa, tout est par terre. Au fur et à mesure, je me faufile dans chaque recoin de ma tanière. Au fur et à mesure, je m'aperçois, tout est en bras, tout est en l'air. Je suis chez mon inspection, je marche sous des bruits de verre. J'ai été victime d'effraction par la fenêtre de derrière. On m'a dépouillé quelques biens d'une valeur haute de misère. Mais ça, je m'en fous, ça c'est bien. C'est d'être volé par mon frère. Victime de ses relations, c'est pas nouveau, pas une première. Victime de ses fréquentations, rien de spécial, c'est fait divers. Être victime de ses relations, du déjà vu, pas né d'hier. Victime de ses fréquentations, c'est ça le plus dur dans cette affaire. D'enfer, je faisais concert, je mettais le feu lors de mes prestations. Oui, mais t'es chou dans ma maison. C'était l'été en 2005 avec mes potes, la connexion. On partageait notre passion. Les billets tout dans mon salon. Si quelqu'un, quiconque, qui que ce soit, fait quelque chose, qui que ce soit, qui le dise, je n'ai rien fait au hasard. Un appel à témoin. Y'a bien quelqu'un qui a vu quelque chose, c'est certain. Être victime de ses relations.